Mireya. Zayo, la patronne de mon cœur. Ouais. Bopé qui t'a maquillé, n'était qu'à un peu l'empongé à ma bébé. Bolingwadi, Ipizana, et Zoa Kimia. Allez, mère Zoa. Superficie amouralie à la motémaï. Elle est qui applique mon binôme pour écho, quand il faut baba qui s'europe. Nanda Mouadi. Tira les banques à la Namouina. Mongi Molibi, quadra Bolingwadi, voilà. Peka peka, se nourrita kana ba fleur. Ma force et mon énergie proviennent de l'amour d'Alliant. Moto ya likelele, kota kaze lute. De même que mote malanga nenge bon noël de la kuna. Souci et kokota jamais. Noblesse et majesté à présent paillon à ma kumifu. Nyango la mote malanga la tameli au tapirouche. Laisse le roi adorer sa reine. Exemple à conducteur à moto. Ouais, Malinga golanda ina go gangele. Oh ya ko sante te na ko sareu. Ko ya golinga go existe na o gache mo suni anzo. Babe nga nga zongi ya bu na njini. Mubulu mbunga sa mpengu mbeye. Saki yo zana ki egipte na na epoke ya Cleopat. Mene va sur no way yo de este de la tendresse. De la beauté de la douceur, mon ami, yonanana. Mais son mangama couille rouge, t'as si ma yébite, sous ma sanganina, mes délires. Mamana va, seria ma tema. Mamma mourinho, Aliana, Jennifer Dilito. Patrona, Aliana. Tania Wakuna, Niki Dissador. Voilà tout cas, il y avait toi, Aliana. A la coupe de la couronne à la monacantonga, Tarasse et Ambello. Lumière vivante qui éclaire mon cœur, Aliana. Gratement contourné. Toujours avec les larmes de joie, Aliana. Je suis la seule qui va être la gamme, la forme de la colonne. Et je la quitte si vous êtes pour la caïda. Nounou et Pouma. Amour mangaï. Pamela qui est là. Amour de moi. Patron mangaï. Aliana. Je suis Mwanga. Jennifer Sandra et Paulette Ndana. Ananja Ndana. Je suis une seule qui va te voir, mon enfant, ma colonne. Et je la guise, le tempo n'alcaïda. Serge Kayoumé. Mouma Mélin, Tabana, la Mélimoni, Moléliona. Après que l'idée de moi s'agirait. Pour m'en aller à la constante, la Mélimoni, Moléliona. Boisson à son déguise, je n'en souhaite la guise. M'en aller à la vomir, jamais à l'île, et destin. Évidemment, mes rêves avaient des mains, je n'en ai. Awanini saka suki kwa dalili. Naraiva, Emilia. Nama chukaza la kinei mwana ni ya kiunguma. Anida Rosa. Unala na gashiri na ya sima sima. Naoni ya kubenga ya kukangira. Naoni ya kukangira ya kukangira. Jean Kandolo. Hoya kusantite ya kosa yeru. Naoni ya kukangira ya kukate mosuri ya nzoto. Je suis un peu plus de temps.